مسند آخر. هذا في اصطلاح المحدثين. نعم. يقول حدثنا محمد بن شعبة. نعم نعم. وحدث. معنى ذلك أنه يبدأ في سند آخر. نعم. شكرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانه رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. يوزم حديث كلمة النووي رحمه الله تعالى نسيتسي دابخاب محمد الحسن الفيس دو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما le petit fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa senteur, sa bonne odeur a dit, j'ai retenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ce qui suscite en toi le doute pour ce qui ne le suscite pas. Délaisse ce qui suscite en toi le doute pour ce qui ne le suscite pas. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi et Nasa'i. Donc al-Hassan radiallahu anhu fait partie des jeunes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sibt al-Sibt wa ibn al-Bint. Al-Sibt, c'est le petit-fils, pas la fille. Donc c'est l'enfant de ta fille. Sibtuk, c'est le fils de ta propre fille. Donc tu es son grand-père. C'est donc le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Fatima radiallahu anha et de Ali radiallahu anhum. Wa Rayhana, et sa senteur. Rayhana, c'est une plante qui a une bonne odeur, qui dégage une bonne odeur. Et ici, les savants ont divergé. Est-ce en, sur le mot Rayhanakum? Hal hadhi ra'iha ala al-haqiqa am al-isti'ara? Les savants ici ont divergé. Certains ont dit qu'ici le rapporteur du hadith a émis une ressemblance entre Al-Hassan, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la plante Rayhana, qui est une plante qui a une bonne odeur. Cela ne veut pas dire que Al-Hassan avait une odeur. Cela ne veut pas dire que Al-Hassan avait une bonne odeur. Mais c'est une image et c'est une ressemblance. Car tout comme la personne qui sent une bonne odeur éprouve et ressent un plaisir et une tranquillité et se repose de par cette senteur, de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Al-Hassan radiallahu anhu. Et lorsqu'il le voyait, le prenait, ben, ça lui faisait du bien. Il était content Tout comme la personne qui sent une bonne odeur se tranquillise et ça lui procure un bien-être. De la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, lorsqu'il voyait Al-Hassan, le prenait. D'autres parmi les savants disent non. Cela est selon le sens apparent. Cela est selon le sens apparent. C'est-à-dire que c'était la bonne odeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait sentir. Donc Al-Hassan avait une bonne odeur. Et ils ont donné comme exemple, pour appuyer cet avis, lorsque la mère prend son enfant, particulièrement après l'avoir quitté un certain moment ou un certain temps, elle le prend et le serre contre elle et sent son odeur. Elle y trouve une odeur. Elle se tranquillise en faisant cela. Et pareil pour l'enfant. L'enfant sent sa mère et reconnaît son odeur et se tranquillise lorsqu'il sent la bonne odeur de sa mère. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément ses petits-enfants Al-Hassan et Al-Hussein et il les portait et il lui procurait un bien-être. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté ses mérites en disant Inna ibni hadha sayyid. Il l'a appelé mon fils. Il a dit mon fils, celui-ci est le meilleur. C'est-à-dire des jeunes. Par sa cause, Allah unira entre deux groupes de musulmans. Et la prophétie est ce que avait reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah azza wa jal comme information s'est réalisé à l'époque de Muawiyah radiallahu anhu Yazid ibn Muawiyah lorsque Al-Hassan a été calife et qu'il a laissé le califat pour Muawiyah radiallahu anhum ajma'in. Il nous dit ici Hafidtu, j'ai mémorisé Hafidtu min Rasulillah, j'ai mémorisé du messager d'Allah. Pourquoi est-ce qu'il a appuyé cela en disant j'ai mémorisé? Car Al-Hassan radiallahu anhu est né en l'an 3 de l'Hégire. Donc il n'a vécu que 7 ans. Donc il n'a vécu que 7 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Al-Hassan avait 7 ans. Donc, il a voulu nous tranquilliser et affirmer que ce hadith-là, il l'a bel et bien entendu et il l'a mémorisé. Car l'enfant qui a 6 ans, 7 ans, peut mémoriser. Quel est ce hadith qu'il a entendu et mémorisé? Il nous dit, j'ai retenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Délaisse ce qui suscite en toi le doute pour ce qui ne le suscite pas. Da'a ay utruk. Ma yaribuk. Ay ma fihi riba. Wa shak. Wa tataraddadu fihi. Bayna khayrihi wa sharrihi. Donc da'a, ça veut dire délaisse. Ma yaribuk, c'est-à-dire les choses douteuses, ce qui suscite en toi un doute. Tu n'es pas sûr du caractère permis de la chose. Dans certains points de vue, tu te dirais c'est permis et c'est halal, mais il y a quand même quelque chose en toi qui te fait dire ou qui te dit que ça n'est pas une chose licite. Donc, tu as du doute. Allah Azza wa Jal nous dit par exemple dans le Coran Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه فمعنى ما يريبك أي ما يجعل في نفسك الشك والتردد والريبة. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit délaisse ce qui suscite en toi le doute pour ce qui ne le suscite pas. Ici, les savants ont posé une question qui est Al hadha al amr yaqtadi al wujub am huwa li tawjih wal irshad. Les savants ici ont posé une question. D'a'ma yuribuk ila ma la yuribuk. D'a'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Délaisse ce qui suscite en toi le doute pour ce qui ne le suscite pas. Est-ce que c'est un ordre? Est-ce que c'est wajib? Est-ce que celui qui compte, qui fait cette chose-là, en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal, se verra récompensé? Et dans le cas contraire, il méritera une punition? Ou bien c'est un ordre qui a pour but d'orienter la personne, de conseiller la personne, mais ça n'est pas une obligation. Donc les savants ont soulevé cette question. Et parmi les savants, certains ont dit que celui qui médite et qui regarde l'ensemble des hadiths qu'a ramené l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il verra qu'il y a trois hadiths qui nous parlent des choses douteuses. Le premier hadith, c'est Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit comment nous comporter dans ce. Le halal est évident, l'illicite. Le haram est évident, l'illicite. Et entre les deux, il y a les choses ambiguës. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le 10e hadith, nous a appris comment nous comporter. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَ لِدِينِ وَعَرْضِهِ. Celui qui s'éloigne des choses douteuses aura préservé sa religion, celui Allah Azza wa Jal, et son honneur entre lui et les gens. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَمِ. Celui qui tombe dans les choses ambiguës, douteuses, ou les choses ambiguës, na'am, tombera, c'est-à-dire cela le poussera à force à tomber dans le haram qui est évident, dans l'illicite, clair. Ensuite, il y a ce hadith. Il y a ce hadith. D'a'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Plus loin, il y a le hadith dans lequel un compagnon a questionné sur al-bir ou al-ithm, le bien et le mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu al-bir matma'anna bihi nafs. Al-nafs. Le bien, c'est ce sur quoi? C'est ce qui te cause la tranquillité lorsque tu le fais. T'es mutma'in, tu sais que c'est bien. Wal-ithma haka fi sadr. Le péché, c'est ce qui te gêne non, à l'intérieur. Ça te ronge à l'intérieur. Wa karihta an yattali'a 'ala an-nas. Et tu détesterais que les gens sachent que tu as fait cette chose. Donc t'es, yani c'est un péché. T'es dans le doute, mais si tu ressens ça, c'est que ça tire vers le péché, tu dois t'en éloigner. Plus ce hadith. Donc quand on unit ces trois hadiths, on voit que c'est plus une orientation et un conseil qu'un ordre obligatoire. Et celui qui met en pratique ce hadith dans sa vie quotidienne, il évitera beaucoup de mauvaises choses et se mettra à l'abri de nombreux maux. Donc, en prenant les trois hadiths qui nous montrent comment se comporter dans les, devant les choses douteuses, on comprend que da'ma yuribuk veut dire ibta'id an mawtin ash-shubah an mawatin ash-shubuhat. وبهذا الفعل تكون قد ابتعدت عن الوقوع في الحرام. Donc on comprend en regardant les trois hadiths que le sens de da'ma yuribuk, délaisse les choses douteuses, veut dire éloigne-toi des choses ambiguës. Ça ne fait pas partie du haram et du halal évident ni du haram évident, c'est au milieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Délaisse-le. Éloigne-t'en. Et comment reconnaître cela? C'est ce qui te ronge à l'intérieur, après l'avoir fait. Ou c'est ce qui te gêne avant de le faire. Tu n'es pas tranquille à l'idée de le faire. Et après l'avoir fait, ou lorsque tu le fais, ça te ronge de l'intérieur et tu as des doutes. Et tu te poses la question, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Tu te poses la question. Et si jamais on te voyait en train de faire cela, tu aurais détesté. Et si jamais les gens seraient informés après que tu l'aies fait, tu aurais détesté cela. Ben ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant ces choses, nous dit quoi? Da'hu. Éloigne-t'en. Délaisse-le. Et cela vaut pour toutes les choses de la vie quotidienne. Vaut pour toutes les choses de la vie quotidienne. Que ce soit dans la croyance authentique est évidente. Elle est dans le Coran, elle est dans la Sunna. Ce qui est évident, tu le prends. Et ce qui est douteux, tu t'en éloignes. Si quelqu'un vient et te dit des paroles douteuses dans la croyance, éloigne-t'en et va vers ce qui est évident. Va vers les gens de la Sunna. Concernant les adorations, tu veux faire un acte d'adoration et tu as un doute. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait comme ça ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en éloignes et tu vas poser la question à quelqu'un qui sait. Concernant la nourriture et la boisson, il y a des choses qui sont évidentes. Telle boisson et l'eau, c'est halal. Il y a des choses, donc de manière évidente, c'est halal. Il y a des choses qui sont haram de manière évidente, comme le khamr, comme le riba, les intérêts. Même si beaucoup, malheureusement, parmi les musulmans, sont tombés dans ce grand péché, ce grave péché. Le fait de prendre des crédits avec intérêt, c'est haram et ça fait partie des grands péchés. Et celui qui, après avoir entendu le conseil et l'exhortation, ne délaisse pas cela et ne se repent pas, Allah dit « Fa'adhanu biharbim min Allahi wa rasoulih ». Attendez-vous à recevoir la guerre venant d'Allah et de son message. Et que penser d'une personne qui recevra la guerre d'Allah Azza wa Jal? Si Allah lui déclare la guerre, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette personne? Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc dans la nourriture et dans la boisson, on s'éloigne des choses douteuses et on va vers les choses licites de manière évidente. Et nombreux sont les gens qui posent des questions sur les choses douteuses. Et c'est le comportement à avoir. Mais notre partie saute le pas, consomme la chose et ensuite ils viennent poser la question. Qu'est-ce qui les a amenés à poser la question? Si on médite bien, c'est le doute. Et la chose qu'ils ont ressentie à l'intérieur. Et c'est le fait qu'ils auraient détesté être vus en train de faire la chose. Donc lui était dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû s'éloigner et délaisser la chose qui suscitait en lui le doute. La chose qui suscitait en lui le doute. Et il y a ce qu'on appelle al-wara. Al-wara, c'est une sorte de crainte qui consiste à t'éloigner des choses qui pourront te nuire lorsque tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wara, tarkuka min ad-dunya ma yadurruka fil akhirah. Comme a dit l'allamah ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Al-wara, c'est le fait de délaisser les choses de ce bas monde qui te causeront du tort le jour où te rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection. Donc lorsque tu vois une chose, il te faut te poser une question avant de t'engager dans la chose. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la nourriture ou autre, que ce soit dans le mariage, pose-toi cette question. إذا أقدمت على هذا الفعل هل بعد ذلك العاقبة ستكون حميدة أم لا؟ هذا هو السؤال. La question à te poser est, si je fais cette chose, si je consomme cette chose, est-ce que la finalité sera bonne et louable ou pas? La réponse à cette question est en mettant, ou bien se concrétisera en mettant en pratique ce qu'il y a dans le hadith. Avant de faire la chose, tu te poses cette question. Si je fais cette chose-là, est-ce que Yawm al-Qiyamah j'aurai des problèmes ou pas? Est-ce que je pourrais recevoir un châtiment ou pas? Ou est-ce que c'est une chose louable? Si la chose est louable, alors il n'y a pas de mal à s'engager. Si la réponse est oui, j'aurai des problèmes, ou peut-être, même si tu n'arrives pas au niveau de la certitude, tu arrives au niveau du doute. Donc, à 50-50, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Rasul al-Karim, al-Amin, al-Rahim, al-Nasih al-Amin, le bon conseiller, notre bien-aimé, notre messager sallallahu alayhi wa sallam ici, nous a donné un conseil en or et plus précieux que cela même, en nous disant: éloigne-toi des choses douteuses, de ce qui suscite en toi le doute pour les choses devant lesquelles tu n'as aucun doute. Et parmi les exemples qui sont venus dans la sunna, une histoire étonnante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a eu dans les générations passées un homme qui a vendu sa maison à une autre personne. ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة رجلين عجيبة جدا. قال: باع رجل بيته لرجل آخر، فلما اشتراه وسكن فيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد تحته كنزا أو فيه كنزا، فرجع إلى البائع وقال له: وجدت كنزا، أما أنا فقد اشتريت البيت فحسب، فها هو الكنز فخذه. فأجاب الثاني بجواب يعني عجيب جدا أشد عجبا من الأول، قال: أما أنا فقد بعت لك البيت وما فيه فهو لك. الأول رفضه والثاني أبى أيضا. سبحان الله، قد علمت والآن تنازل عن الكنز. قال: لا، أنا إنما اشتريت البيت فقط. هذا هو الورع، هذا هو الورع الذي يحث الإسلام عليه. Une histoire des plus étonnantes, subhanallah. Un homme a acheté une maison à une autre personne. Lorsqu'il a pris possession de la maison, et lorsqu'il a habité cette maison, il y a trouvé un trésor. À l'intérieur ou en dessous de la maison, ou Allahu a'lam dans le jardin. Yani, dans tous les cas, il a trouvé un trésor. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le trésor et il est retourné voir le vendeur de la maison. Écoutez bien, il est retourné voir le vendeur et il lui a dit: voici ce que j'ai trouvé dans la maison. Alors le vendeur s'est étonné, il ne l'a pas compris. L'homme qui a acheté la maison lui a dit: moi je t'ai acheté que la maison et je ne t'ai pas acheté le trésor qui s'y trouve. Alors reprends le trésor. Yani, qui, au jour d'aujourd'hui, aurait cette crainte d'Allah Azza wa Jal, aurait peur de prendre une chose douteuse, une chose qui suscite à l'intérieur un doute, aurait pris cette chose et serait parti la rendre. Il lui a dit: moi, je t'ai acheté la maison. Je ne t'ai pas acheté ce qu'il y a à l'intérieur comme trésor. Alors tiens, reprends ton trésor. La réponse du vendeur, Wallahu a'lam, est encore plus étonnante. Il lui a dit: en ce qui me concerne, moi, je t'ai vendu la maison. Et lorsqu'on vend la maison, on vend tout ce qu'il y a à l'intérieur, alors garde le trésor. Moi, je t'ai vendu la maison, et il y avait le trésor, alors garde l'ensemble. Le premier a refusé. Il lui a dit: non, moi, je t'ai acheté que la maison. Les deux ont eu peur d'Allah Azza wa Jal. Les deux ont eu peur de prendre une chose. Pourquoi cela, les frères? Si on médite bien, c'est quoi la cause? Ils se sont posé la fameuse question. C'est quoi la question? Qui a retenu la question? Hein? Adam, t'as retenu la question? Là? Qui peut me dire la question? Naam. Lorsqu'on s'engage dans une chose, on entreprend une chose, il convient de regarder quelle sera la finalité. Et yom al-qiyama, est-ce qu'on pourra se retrouver en danger dans le jugement, lors du jugement? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en pratique ces trois ahadiths. Il y a le halal bayyin, la maison. Ça? Il y a la chose qui est licite de manière évidente. C'est quoi? C'est la maison. Et il y a el haram de manière évidente. C'est quoi? C'est le vol. Et entre les deux, il y a les choses équivoques. Comme quoi? Comme ce trésor. Comme ce trésor. On vient au troisième hadith. Quel est le troisième hadith? Quel est le bien? Quel est le mal? Quel est le péché? Le bien, ce qui cause la quiétude et la tranquillité. Le mal, ce qui te gratte à l'intérieur, ce qui te ronge de l'intérieur, et tu auras détesté que les gens soient au courant. Alors, les deux, subhanallah, le premier d'abord, celui qui a acheté la maison, a ressenti cela. Comment est-ce qu'il a agi après avoir eu la réaction des deux premiers, du premier hadith et du troisième? Il a mis en pratique ce deuxième hadith. Qu'est-ce qu'il a fait? Délaisse ce qui suscite en toi le doute pour la certitude. Subhan al-Malik. Il a pris le trésor et l'a délaissé. Pour avoir quoi? Pour garder ce sur quoi il avait la certitude, la maison. Ça, je l'ai payé. Et j'ai su ce que j'achetais. Ben, le deuxième a réagi de la même façon que le premier. Subhanallah. Il aurait pu dire, na'am, moi je t'ai vendu que la maison, récupérer l'argent. Comme Aktharuna, Allah Musta'an aurait fait. Comme la plupart d'entre nous auraient fait. Tayyib. Mais cette deuxième personne a craint, a eu peur d'Allah Azza wa Jal. Et il a eu peur de reprendre une chose qui ne faisait pas partie de ses hukuk, de ses droits. Alors dans le doute, il a préféré mettre en pratique ce hadith. Il a préféré délaisser la chose douteuse. Quand bien même cela serait quoi? Un trésor. Quand bien même cela serait quoi? Un trésor. La suite du hadith. Donc ils se sont disputés, non pas pour savoir qui est-ce qui allait partir avec le trésor, mais qui est-ce qui allait laisser le trésor à l'autre. Allahu Akbar. Ils se disputent pourquoi? Savoir qui est-ce qui va prendre le trésor. Non, mais qui est-ce qui va laisser le trésor à l'autre? Lui, le premier veut le laisser au deuxième, le deuxième veut le laisser au premier. Alors ça cause quoi? Une dispute, une divergence. Une troisième personne est venue pour les orienter et les réconcilier, les conseiller. Il a dit au premier et au deuxième, est-ce que vous avez des enfants? Ils ont répondu oui. Toi tu as quoi? J'ai un garçon. Et toi tu as quoi? J'ai une fille. Qu'est-ce qu'il leur a conseillé? Il leur a dit, laissez, mariez-les et donnez-leur le trésor. Ajib wallah. Mariez-les et donnez-leur le trésor. Et les deux sont tombés d'accord sur ça. Les deux sont tombés d'accord sur ça. Donc ça a fait des bienheureux. Tayyib. Ça c'est un exemple dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous montre comment se comporter lors des choses douteuses, lors des choses qui suscitent en toi un doute. Et ça, ça fait partie de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ça fait partie de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Si tu te trouves dans une ville, hein, et que tu veux aller acheter de la viande, et que tu as un doute sur telle personne, ça c'est la question qui ne cesse de venir et d'être posé. Je rentre dans une sandwicherie, dans un restaurant, et je vois que le vendeur vend également de l'alcool en plus de la viande et de ça et de ça et de ça et de ces sandwichs. Est-ce que j'ai le droit d'acheter sa viande ou pas? Le fait qu'il vende de l'alcool, ça ne rend pas haram sa viande. D'accord? La viande est halal, c'est un musulman qui a égorgé la bête et qui a dit bismillah. D'accord? Ou elle est halal si c'est la viande des gens du livre également, les juifs et les chrétiens, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran. Mais toi, lorsque tu es venu chez lui, tu as vu du fisc, tu as vu de la perversion, tu as vu de l'alcool. Et tu as vu que dans ce domaine-là, il ne craignait pas Allah Azza wa Jalla comme il devait le faire. Est-ce que tu achètes quand même ou pas? Si tu achètes et qu'on te dit que c'est halal, tu ne prends pas de péché. Mais quel est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'arma yuribuk. Toi, tu as des doutes, tu te dis, mais lui, il vend de l'alcool. Qui me dit que cette viande, il nous dit qu'elle est halal, or qu'en vrai, elle n'est pas halal. D'accord? La personne qui arrive à ce niveau de doute, le mieux pour lui, c'est quoi? C'est de délaisser ce qui a suscité en lui ce doute et d'aller acheter dans l'autre, chez l'autre commerçant. D'aller acheter chez l'autre commerçant, afin qu'il soit tranquille. Afin qu'il soit tranquille. Mais on ne dira pas d'une personne qui a acheté qu'elle est tombée dans le haram. On ne dira pas d'une personne qui a acheté qu'elle est tombée dans le haram tant qu'elle n'a pas eu les preuves que cette viande n'est pas haram, qu'elle n'est pas halal. D'accord? Qu'elle n'a pas été halal. Il n'a pas de preuve de cela, on ne peut pas lui interdire cela. On ne peut pas lui interdire cela. Mais, attention, si une personne va dans un endroit connu pour le mal, un endroit, une rue, d'accord, qui est connu pour le mal, où il n'y a que les gens de la perversion qui se rendent dans cet endroit, et il y va, et il dit, non, moi, je suis venu pour faire quelque chose de bien. Est-ce qu'il convient de faire ça? Non. Pourquoi? Parce que ça va susciter des doutes dans le cœur des musulmans. Parce que cet endroit est connu. Pourquoi? Pour le fisc, pour le haram. D'accord? Cet endroit est connu pour le fisc et pour le fisc et pour le haram. Et certains exemples, on a honte de les dire, taïeb, devant certaines personnes qui ont l'âge de nos parents. Taïeb, et dans cet endroit. Mais les exemples sont nombreux. Ben toi, ne passe pas dans cet endroit. Même si toi, d'accord, tu ne venais pas pour le haram. Pourquoi? Parce que là, tu t'es mis, dans une situation qui est douteuse. Donc cela est valable pour ce que tu consommes, mais aussi pour tes paroles, tes actions et les endroits où tu te rends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous montre une des sagesses du da'iya ilallah. Celui qui prêche, celui qui appelle les gens au bien et à délaisser le mal, il doit savoir quel est le comportement à avoir. Ici, il y a un comportement très précieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui montre. C'est que lorsque tu dis à quelqu'un de ne pas faire une chose, donne-lui et remplace-lui par une autre chose. Par exemple, tu conseilles les gens et tu leur dis délaissez As-Sahara, les sorciers. Comment on les appelle en Afrique? Les marabouts. Comment on les appelle au Maroc? Les frères. Comment on les appelle là-bas? Quel que soit le nom, ça ne change rien. Ça ne change rien le nom. C'est ce qui fait qu'il compte. Hein? Ça, celui qui prétend connaître l'invisible, celui qui travaille avec les chiatis et qui fait de la sorcellerie, c'est un mushrik kafirun billahi al-azim. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسِ مَاذَا السِّحْرِ. Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Baqarah nous apprend le jugement de celui qui apprend, enseigne, pratique la sorcellerie. C'est un kafir billahi al-azim. Tayyib, si toi tu viens et tu exhortes les gens à délaisser ces menteurs et ces mécréants, dis-leur, délaisse le sorcier et dirige-toi vers Allah Azza wa Jalla. Tu as des problèmes, tu as des soucis. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis. Mais laisse cette créature qui est faible, qui est mauvaise, et dirige-toi vers le Créateur qui est bon, qui est généreux, qui t'entend, qui te voit, qui donne, qui est riche, subhanahu wa ta'ala. Si tu vois quelqu'un qui porte un bracelet porte-bonheur, une tamine, un talisman, ou qui accroche la main de Fatma dans sa voiture, ou sur son mur, dis-lui ça, c'est du shirk asghar. Tu as pris en tant que cause une chose qui est du shirk. Tu as pris en tant que cause une chose qu'Allah Azza wa Jal déteste, une chose pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé afin de la combattre. Délaisse cela. Ne veux-tu pas que je t'oriente vers une protection, une vraie garantie? Enlève cela et dirige-toi vers Allah Azza wa Jal, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Hafir, Subhanahu wa Ta'ala, Arhamur Rahim. Comme cela, tu orientes les gens. À chaque fois que tu leur enlèves une chose, donne-leur Al-Badi, le remplace, la chose qui vient remplacer cela. Tu vois quelqu'un qui mange des choses qui sont haram, exhorte-le afin qu'il délaisse cela. Et dis-lui, mange cela, mange cela, mange cela. Tu vois une personne qui boit, qui consomme des boissons illicites, alors mets-le en garde contre cela et oriente-le vers les bonnes boissons, vers l'eau et ceci et cela. Tu vois, on va aller un peu plus loin. Tu vois une personne qui fréquente des femmes en dehors du mariage. Tu vois des gens qui sont éprouvés par le fait de fréquenter des femmes qui n'ont pas été permises sans avoir contracté un mariage, sans avoir eu l'agrément du père de cette fille, ni avoir eu deux témoins sans avoir demandé sa main, et il fréquente cette femme. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis de délaisser cette femme, et il te fait comprendre qu'il a un besoin. Ben, montre-lui qu'il désobéit Allah Azza wa Jalla. Mets-le en garde contre le haram. Montre-lui la mauvaise fin de ses agissements. Mais ne t'arrête pas là. Oriente-le vers la chose halal, afin qu'il délaisse le haram. Oriente-le vers le mariage. Oriente-le vers le mariage. Donc ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wa. Le fait de mettre en garde contre le mal ou les choses douteuses et de ramener ce qui peut remplacer cela comme chose quoi? Tayyib. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Donc, il nous dit à la fin, il a ma la yuribuk. Wa ma fil hadith موصولة بمعنى الذي ويعم كل شيء دع ما يريبك ما en arabe ici c'est dans le sens de ce qui, yani c'est général, délaisse tout ce qui suscite en toi le doute. C'est pour ça que nous avons dit auparavant que c'est général, ça englobe toute chose, que ce soit la nourriture, la boisson, les femmes, la croyance, les adorations, tout ce qui est douteux, éloigne-toi et va vers ce qui est sûr. Dans le commerce, tu viens et tu achètes de la marchandise. Et tu sais que ça n'est pas du faux. Et tu sais que le prix de cette chose-là sur le marché est équivalent à 4 fois le prix que la personne veut te vendre cette chose. Ça suscite en toi un doute. Comment est-ce qu'il peut te vendre telle chose qui coûte par exemple 500 euros sur le marché et lui il te la propose à 100 euros et la chose est neuve? Tu te dis quoi? Que la société appartient à son père et qu'il veut te faire un cadeau? Non, c'est une chose douteuse. Peut-être qu'il l'a volée, peut-être qu'il l'a trouvée, mais que ça appartient à quelqu'un qui va venir le réclamer par la suite. Donc dans ce cas-là, le mieux et la sagesse que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de s'éloigner de ça. Dans les paroles, n'avons-nous pas dit que ça englobe tout? Ça englobe tout. Donc on cite un exemple pour les paroles. Tu parles avec quelqu'un et tu fais des blagues. D'accord? Tu fais des blagues. Et tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait, mais il ne plaisantait que dans la vérité. Et tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Qui ça au messager d'Allah? Celui qui plaisante en mentant pour faire rire l'assemblée. C'est un péché qui est grave. Tu as le droit de plaisanter. Tu as le droit de t'amuser. Mais est-ce que tu as le droit de mentir? Al-kadhib min kaba'ir adh-dhunub. Le mensonge fait partie des grands péchés. Des péchés les plus graves. Wa shay bi shay yuzkar. Al-Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala a dit une fa'ida tayyiba nafisa nadira. Il nous dit que kullu bani adam khata. Tout fils d'Adam est péché. Mais il y a un péché qu'on n'a jamais trouvé chez les compagnons. Parmi les péchés qu'on n'a jamais trouvé, le mensonge. Le mensonge, aussi petit soit-il, n'a jamais été répertorié chez les compagnons. Radiallahu anhu. Donc lorsque tu plaisantes, il y a des plaisanteries de manière évidente qui sont permises. Il y a des plaisanteries de manière évidente qui sont haram. Et il y a d'autres choses qui sont équivoques. Qu'est-ce qu'il convient de faire? De t'éloigner de ça. De t'éloigner de ça. Parce que peut-être que tu tombes dans la moquerie, qui est un grand péché. Tu commences par la plaisanterie, tu tombes dans la moquerie. C'est pour cela que le prophète sallam a dit Famani taqa shubuha, celui qui s'éloigne des shubuha. Et s'il nous dit Derma yuribuk, éloigne-toi de ce qui est douteux. Il y a aussi les paroles ou les discussions. Tu commences par la vérité. Ensuite, tu embellis cette vérité. Certaines personnes n'arrivent pas à rester droites dans les paroles. Il trouve que son histoire est trop fade. Il veut l'embellir. Alors il commence à ajouter. Il commence à ajouter et à illustrer son histoire. Hein? Si ça avait été un film, on aurait dit des effets spéciaux. Il est dans la limite. Il ne ment pas. Et si tu lui dis, mais tu m'avais dit ça, c'est pas vrai, il te répond, si, ce que je voulais dire par ça, c'était ça. Et ce que je voulais dire par ça, c'était ça. Là, tu commences à t'éloigner. Et tu commences à tomber, ou tu es déjà dans les choses douteuses, et tu commences à tomber dans le haram. Éloigne-toi de ça. C'est trop le hadith. Sois véridique. Et lorsque tu dis une parole à quelqu'un, veille à ce qu'il la comprenne comme tu voulais lui dire. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a permis de mentir que dans trois cas. Lors de la guerre à l'ennemi, pour réconcilier entre deux personnes ou deux groupes de personnes qui sont en conflit. Contrairement à ce qu'on peut voir à notre époque, les gens mentent pour causer le conflit. Wal'iyadhu billah. Et troisièmement, ce que dit l'homme à son épouse. Comme quoi, par exemple, il lui dit « Tu es la plus belle. » Alors que peut-être lui, et Annie, il sait qu'elle n'est pas la plus belle et peut-être qu'elle a atteint l'âge de 70 ans. Taïeb. Mais il lui dit « Tu es la plus belle » et ça rentre la joie dans son cœur. Et parmi les grandes adorations, le fait de faire entrer la joie dans le cœur du musulman. Et il dit à son père « Jazakallahu khayran. Tu es celui qui est la cause de mon islam. » Et tu es celui qui est la cause du fait que j'ai fait la prière et que j'ai mémorisé une partie du Coran et que j'ai appris la langue arabe, alors que peut-être son père ne l'a pas inscrit au cours d'arabe. Mais il embellit la chose. Cela est permis. Et le haq qu'a ton père sur toi est immense. Et le haq qu'a sur toi ta mère est immense. Et quoi que tu puisses faire, ça ne remboursera pas ce qu'ils ont fait pour toi. Alors tu peux faire des éloges et montrer qu'ils sont la cause, car dans tous les cas ils sont la cause de ta venue au monde, donc par la suite de ce que tu as fait. Mais est-ce qu'il convient à ce que l'homme dépasse les limites? Par exemple, il se marie avec une femme, d'accord, et il lui dit que son travail c'est telle chose, alors qu'il est au chômage. Hein? Est-ce que ce genre de mensonge est permis? Là, c'est pas ce genre de mensonge, d'accord. Ou il a un travail qui est simple et il lui dit par exemple je suis pilote d'avion. Là, ça c'est du mensonge charia. Ça c'est du mensonge évident. Il lui fait croire telle chose. Là, ce qui est permis c'est d'embellir les choses comme on pourrait dire les petits mensonges dans le couple. Ou bien pour réconcilier entre les gens. Tu vas voir l'autre personne, tu lui dis un tel regrette. Et subhanallah, j'étais avec lui hier, il disait du bien de toi, il disait ne sais pas comment Et Ali, il a fait pour te parler comme ça. Et tu vas voir l'autre, tu lui dis la même chose. Tu lui dis regrette. Alors que l'autre, il était avec toi, il a dit le jour où je vais le voir, il va voir. Et l'autre, il a dit la même chose. Mais toi, tu vas voir l'autre, tu lui dis regrette. Et il aimerait venir te voir, mais il a peur que tu n'acceptes pas ses excuses. Et tu vas voir l'autre, tu lui dis la même chose. Ben là, tu as un mousbih. Et là, c'est une sadaqa. Le prophète sallam nous dit sadaqa. Tu réconcilies entre les gens, c'est une sadaqa. Tu vas voir les deux parties et tu dis que l'autre fait ses éloges, et tu dis que l'autre fait ses éloges, comme ça le mal qu'il y a dans son cœur sort. Et la rancune et la rancœur sort. Et à ce moment-là, au moins, ils ouvrent le dialogue. Ils commencent le dialogue, et ainsi de suite, et ils s'excusent. Pourquoi ? Parce que l'autre, il pense que c'est lui qui est venu le voir, pour s'excuser. Et l'autre pense la même chose. Il se dit, moi, c'est pas moi qui est parti le voir, moi, j'avais raison. Ça y est. Mais ce qui compte, c'est quoi ? C'est l'ukhuwa, c'est la fraternité. Ce qui compte, c'est d'enlever les problèmes et de repousser ash-shayati min al-jinni wal-ins, hein, de nos rangs. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis d'utiliser le mensonge pour réconcilier entre les gens. Et même le fils peut faire ça avec ses parents. S'il y a une dispute entre l'homme et la femme, il va voir le père. Il lui dit, elle regrette, et elle a dit ça, et elle s'excuse, mais elle a peur que tu acceptes pas. Et il va voir la mère, elle dit, ça l'a attristé, wa akada. Il lui dit, yani, des choses comme ça pour amener al-islah fil bayt, ou entre les frères, le frère et sa sœur, les deux sœurs, les deux frères, et entre les gens, yani, les frères au sens religieux. Ila ma la yuribuk. Donc tu délaisses ce qui est douteux. Pourquoi ? Pour les choses claires, les choses évidentes. En ce qui concerne les paroles, tu dis ce qui est clair, ce qui est évident. Pas une parole où on peut comprendre beaucoup de choses. قال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Regardez comme Allah Azza wa Jalla nous éduque dans le Coran à délaisser ce qui est douteux comme parole. Il nous dit, subhanah, et dit aux croyants de dire ce qu'il y a de meilleur. Ça veut dire quoi dire ce qu'il y a de meilleur? Toi, pour dire une phrase, tu as le choix entre dire telle phrase et telle phrase. Choisis la meilleure phrase. Celle où on ne pourra pas comprendre un mal. Celle où on ne comprendra pas mal ta parole. Et ensuite, ça va causer des troubles. Non, dis une parole claire et évidente. Comme ça, même ceux qui veulent faire la fitna ne pourront pas aller voir l'autre et lui dire il a dit ça. Tu sais ce qu'il veut dire quand il a dit ça? Il veut dire ça, il veut dire ça, il veut dire ça. Il y avait 70 façons de comprendre la parole bonne et une seule mauvaise. Et lui, il a pris la mauvaise et il est parti la répondre. Hein? Allah musta'an. Donc, dans les paroles, tu dis que ce qu'il y a de bon. Dans ton comportement, tu fais ce qu'il y a de bon. Tu fais ce qu'il y a de bon. Par exemple, quelqu'un te dit une mauvaise parole. D'accord? Tu sais que si tu te tais, tu ne lui réponds pas. Allah Azza wa Jal t'élève. T'élève, subhanahu wa ta'ala. Et tu sais aussi que de lui répéter la mauvaise parole, c'est permis. Parce qu'il t'a dit une mauvaise parole. Et toi, tu veux lui dire une autre parole. Mais tu ne sais pas si c'est pire ou pas. Hein? Je dis, c'est lui qui a commencé de façon. Et ton shaitan vient et il... Comment on va dire ça? Il te pousse et il t'embellit les choses au point de te dire, mais de toute façon c'est lui qui a commencé et c'est pas la première fois, alors moi je vais lui dire plus parce que lui il m'avait déjà dit ça tel jour et tel jour on m'a dit qu'il a parlé sur moi. Alors tu commences à parler et c'était toi l'opprimé et tu deviens l'injuste. Il t'a dit une parole, tu en dis deux. Il t'a dit une petite parole, tu dis des gros mots et tu l'insultes. Et c'est encore pire si cela se passe dans les lieux qu'on doit respecter. À la base, c'est haram déjà. C'est haram, même dans le pire endroit. Mais dans les lieux saints, comme Masjid al-Haram, ou autre, c'est pire. À la mosquée, c'est pire. Ou devant ses parents, c'est pire. Et ainsi de suite. Donc tu t'éloignes de tout ce qui est douteux pour les choses qui sont licites de manière évidente. Comme ça, tu seras à l'abri dans ta religion. Allah Azza wa Jal ne te châtiera pas. Tu seras à l'abri dans ton honneur. Les gens ne vont pas parler en mal de toi. Wa bi hadha al-qadr nakhtim hadha al-hadith 11. بحمد الله عز وجل وإعانته وتوفيقه تبارك وتعالى، ونسأله المزيد من فضله. نسأل الله تبارك وتعالى يعلمنا ما جهلنا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى.